Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar, par le baron Sylvestre de Sacy, édition de Bure, 1819. Markem d'anarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique. Avertissement, extrait. Aux notes qui étaient nécessaires à l'intelligence de l'auteur, j'ai joint une assez grande quantité d'extraits des œuvres d'Attar, de Saadi, de Hafiz, de Jami, de Chahi et de Hossein Vaez, pour que ce petit volume puisse être considéré comme une sorte d'anthologie persane. Enfin, j'y ai ajouté la vie de Ferid et Dinatar, tiré de l'histoire des poètes persans, de Dolet Shagazi Samarkandi, et une préface écrite en persan, pour laquelle je réclame l'indulgence des savants. On trouvera, immédiatement après cet avertissement, la traduction de ces deux pièces. Dans ce poème, ou plutôt dans ce petit traité de morale mis en vers, l'auteur commence par célébrer la grandeur de Dieu, les merveilles qu'il a opérées dans les siècles anciens en faveur de ses serviteurs, et la toute-puissance par laquelle il dirige tous les événements, et distribue aux créatures, suivant sa volonté, les biens et les maux. Il chante ensuite, suivant un usage dont aucun poète ne s'écarte, les louanges de Mahomet, puis celle des principaux imams ou docteurs de sa religion. Après ces préliminaires, il traite successivement et sans ordre, des caractères de la vraie piété, de la solide dévotion, de la perfection religieuse, du renoncement au bien de ce monde, des vertus et des vices, de leurs effets, et des signes auxquels on les reconnaît. Il semble partout adresser la parole à un disciple chéri et avide d'instruction, il l'appelle son ami, son frère, et plus souvent son fils. Il n'est presque aucun des préceptes qu'il lui donne, qui ne soit présenté plusieurs fois sous des formes différentes, cette répétition, qui rend nécessairement la traduction monotone et languissante, est moins choquante dans l'original. À cause de la concision du style, de la coupe des vers, de la rime, du parallélisme des idées et des expressions, des jeux de mots, enfin, dont les orientaux sont très curieux. La vertu n'est pas toujours l'unique objet des conseils de notre poète philosophe, quelquefois il donne à son élève des préceptes de politique, de propreté, d'hygiène, de décence et d'urbanité. Pour renfermer en deux mots ce qu'on peut dire de ce petit poème didactique, j'ajouterai que si, assez souvent, la superstition et les leçons d'une spiritualité affectée y défigurent la morale et la vraie philosophie, on y reconnaît cependant presque toujours un ami de la vertu et de l'humanité, et que les défauts du style n'empêchent pas qu'on ne puisse le lire avec agrément. Outre les manuscrits de la bibliothèque du roi, dont j'ai fait usage, et que j'ai fait connaître dans le tome premier des notices et extraits des manuscrits, j'en ai eu plusieurs autres, dont trois m'appartiennent, et un m'a été prêté par le traducteur de Mejnoun. Un de ceux de la Bibliothèque Royale contient une traduction et un commentaire en langue turque. Je le cite souvent dans mes notes, il porte le numéro 329. En marge du même manuscrit est une version latine, en général assez peu exacte. L'ordre des chapitres du Pandnamé varie beaucoup dans les manuscrits, la division même des chapitres n'est pas uniforme, et quelques exemplaires offrent deux ou trois chapitres qui manquent dans les autres. Il y a encore moins d'uniformité dans les titres des chapitres, et, parfois, ils ont peu de rapport avec le sujet du chapitre qui les suit. Je suis très porté à croire que ni ces titres, ni la division en chapitres, ne viennent de hasard. Je ne me suis attaché, pour rien de tout cela, à un manuscrit exclusivement à tous les autres, j'en ai usé de même dans le choix des variantes. J'ai plutôt consulté le sens et l'ensemble des idées, que le nombre ou le mérite des manuscrits. J'ose dire que cette méthode est à peu près la seule qu'on doive suivre quand on publie des poèmes persans. J'en appelle au jugement de tous ceux qui ont été à même de comparer plusieurs manuscrits du Boustan de Saadi, du Shahnameh de Firdevsi, ou du Divan de Hafiz. Je ne demanderai point pardon du grand nombre et de la longueur de mes notes. J'ai déjà dit dans quelle intention je les ai composées, et peut-être les amateurs de ce genre de littérature me sauront-ils quelque gré de ma profusion et de ma prolixité. Il m'eût été assurément plus facile et moins dispendieux de me borner aux notes strictement nécessaires. Je n'ai point cru convenable de donner des notices biographiques des divers auteurs dont j'ai cité des fragments. Le lecteur pourra consulter la Bibliothèque orientale de Derbelot, et divers autres ouvrages, mais surtout celui que M. de Hamet a publié à Vienne en 1818. Ce volume était presque imprimé, lorsque j'ai eu connaissance d'un recueil des œuvres de Ferid et d'Inattar, que possède la Bibliothèque du Roi. Dans une de mes notes jointes à la vie d'Attar, je donnerai les titres de tous les ouvrages contenus dans ce volume. Je doute qu'aucun autre qu'un soufi puisse se résoudre à lire cet énorme recueil d'écrits mystiques, où la même idée est sans cesse reproduite, et les sous des formes trop peu variées pour soutenir ou réveiller l'attention. Puisse l'échantillon que je publie de la philosophie religieuse et morale des soufis, ne pas déplaire aux amateurs des muses orientales, et contribuer à répandre le goût d'une littérature encore trop peu connue.